les marcheux, de ceux qui entrent, de ceux qui sortent, de l'excédent majoritaire et de la balance des paiements. Ma simple énergie qui va plus que ceux qui sortent. Les marchés contrôlés par les lois de l'offre et demande, par les forces du marché et par les marchés même. Les richesses du pas cherchées augmentent. La richesse du marché est de gagner-gagner. De richesse de connaissance et de connexion. Tirer parti du marché mondialisé. Promouvoir la science, la technologie, la santé, l'économie, la finance, l'éducation, la connaissance, l'évolution. Promouvoir la vertu du marché avec son infinité de portes. Cimenter la variation et la plus grande production de produits y équilibrer ce qui est acheté. Préserver la force de l'économie, l'ouverture des marchés et avoir et des finances nées. Le marché est contrôlé par la loi de l'offre et demande, par la force du marché et par les marchés eux-mêmes. Jules César, les cavaliers, Messie.